ennuis ici-bas. Sa vie va sans arrêt, de la souffrance à l'ennui. L'implacable quotidien étouffe toutes ses joies. Mais quelque chose le rend joyeux quand vient la nuit. C'est une silhouette si fluide. C'est une beauté sans égale. C'est une image si fragile qu'il voudrait en sortir du dédale. De toutes ces années de timidité, toutes ces années passées à regarder celle qui lui vole sa raison, qui ne procure que frustration. Les jours se suivent et il n'ose toujours pas lui déclarer sa flamme, le cœur rempli d'émoi. Il voudrait être un pauvre chaque jour, elle émerveille. Pourtant, il trouve son sort vraiment cruel. Toutes ces années passées à regarder, toutes ces années passées à contempler celle qui lui vole sa raison, qui ne procure que déception. Déception.